This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Worship you, Jesus. All that I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you, Jesus, God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm waiting, Lord, have your way in me. viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne toute mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Chanter avec moi. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner dans moi. Je te donne. C'est une prière. Toute mon âme, je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je ne vis que pour toi seul. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Seigneur, merci ce matin. Merci, Seigneur. Ta miséricorde se renouvelle chaque jour, chaque matin. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour la vie, le don de vie. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, nous reconnaissons ce que tu fais pour nous. Et nous te disons merci ce matin, Seigneur, ta parole, que cette parole nous bénisse ce matin, que nos cœurs soient bien disposés, que nos vies soient touchées ce matin, que nos vies soient changées ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que la lumière qui vient de ta parole vient illuminer nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, merci ce matin. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Alléluia. Ce matin, tu seras béni par la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essayer de continuer avec notre sujet de comment servir le Seigneur. Alléluia. Comment servir le Seigneur? Comment servir le Seigneur? Ce que signifie être humble, hein, comme un serviteur. Ce que signifie être humble comme un serviteur. Alléluia. Amen. On a commencé la semaine passée. Alléluia. Hein? Ce que signifie être humble comme un serviteur. Ou bien comment être humble comme un serviteur. Alléluia. Nous parlons de servir le Seigneur Mais comment est-ce que, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui montre que je suis vraiment un serviteur? Et ce que nous avons dit que c'est l'humilité. Alléluia, c'est l'humilité. Ton humilité va te permettre de servir le Seigneur. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas servir le Seigneur. Et donc, nous allons voir ce que signifie être humble. Alléluia, comme un serviteur. Et donc, on a commencé. Quand vous êtes humble, comme un serviteur, vous êtes heureux et vous acceptez d'accomplir des tâches subalternes. Alléluia. Des petites tâches. Amen. Des petites tâches. Des petites tâches. Tu ne dois pas être pasteur avant de commencer à servir le Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu peux servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu as à donner le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, si tu ne peux pas faire des petites tâches, des tâches qui sont comment on dit? Sont comme balayer, essuyer, faire quoi? Jouer à la batterie, jouer au piano, chanter dans la chora, sont des choses qu'on ne valorise pas. Ou bien, ce sont des choses qui ne sont pas, parce que parfois les gens savent comment chanter, mais ne veulent pas chanter. Ah, ne veulent pas chanter, c'est orgueil, c'est l'orgueil. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, par exemple, dans cette petite église, cette petite église qui est en train de grandir. Alléluia. Yeah, lorsque tu viens à la chorale, tu ne seras pas impressionné. Et si tu es quelqu'un qui est, comment on dit? Quoi? Yeah, qui aime des choses qui impressionnent. Tu ne vas pas chanter dans la chorale. Tu ne vas pas même danser. Tu ne vas même pas jouer à la batterie. Parce que notre batterie n'est pas à une autre qualité. Donc tu vas dire, mais cette batterie-là, c'est pour les enfants. Yeah. C'est ce que tu vas dire. Alléluia. Et donc si tu ne peux pas faire ces choses, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. Et tu n'es pas serviteur de Dieu. Donc faire des tâches subalternes montre que tu es humble et tu peux être un serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Il y a beaucoup d'entre vous, je sais que vous chantez. Bien, vous-même, vous savez que vous chantez bien. Mais vous n'êtes pas dans la chorale. Yeah. Vous n'êtes pas là, vous savez danser. Si on vous présente, on vous met maintenant dans une boîte de nuit. On va voir. Les gens vont vous entourer comme ça. Et vous allez montrer vos talents. Yeah. Mais à l'église, vous ne pouvez pas danser. C'est l'orgueil. Vous êtes là où on doit acclamer pour vous. Yeah. Et si on ne va pas vous acclamer, on ne va pas acclamer pour vous, vous n'allez pas danser. Alléluia. Vous savez comment faire des sketchs. Hein? Vous savez comment acting. Acting, c'est quoi en français? Jouer. Vous savez comment jouer. Alléluia. Vous ne voulez pas faire. Alléluia. Vous savez comment jouer à la batterie. Mais nous sommes ici. Hein? Ce matin, c'est le dernier jour, dernier dimanche pour le frère qui est assis ici. Vous savez comment jouer au piano, mais vous ne voulez pas jouer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et ça montre qu'il y a une certaine orgueil qui est dedans. Hein? Une certaine. Est-ce que c'est Chaviva? Ah, ok. Alléluia. Yeah. C'est une certaine orgueil qui est dedans. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Vous ne voulez pas. Par exemple, dans la chorale, on vous dit chanter alto. Chanter alto, vous voulez pas chanter. Chanter, quoi? Sopra. Chanter ténor. Yeah. Vous ne voulez pas. Vous voulez chanter ce que vous voulez. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Esprit d'orgueil. La plupart des temps, lorsque on demande aux personnes, c'est là même tu vois l'orgueil. On demande, fais ça. Tu vois l'attitude. Yeah. Attitude d'orgueil. Fais ça. Viens ici. Alléluia. Et donc, si tu veux vraiment être serviteur de Dieu, tu dois être humble. Alléluia. Quand vous êtes humble, comme un serviteur, Vous vous contentez des conditions de base et simples dans votre vie. Yeah. Conditions simples. Simples. Yeah. Conditions simples. Conditions de base. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Moi, j'ai passé 3 ans, 4 ans, dormi dans le salon de quelqu'un. Yeah. Dormi dans le salon, 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas de lit, donc je dormais dans le fauteuil. Pour 3 ans. Yeah. Condition de base. Quelle est la condition dans laquelle tu te trouves maintenant? Et à cause de cette condition, tu ne veux pas servir le Seigneur. Alléluia. Yeah. Dormi dans le salon, je dors très tard, après minuit. Parce que les gens sont en train de regarder la télé, les vidéos, et la vidéo finit après minuit. Donc moi, j'attends dehors. D'accord? J'attends. Lorsqu'ils finissent, ils vont aller dormir après minuit, mais je viens dormir. 3 heures, 4 heures, je dois me lever parce que je suis dans le salon, bien. Les gens commencent à se lever. Est-ce que vous comprenez? Yeah! J'ai fait ça pour 3 ans. Hein? 1994 jusqu'à 1997. Yeah! Condition de base. Et à ce temps, j'étais à l'église. Je venais à l'église. C'est pas à cause de ça, tu ne vas pas venir à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, un serviteur, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, n'est pas gêné par les conditions. Pas gêné. Alléluia. Condition de base, condition simple. Ça ne doit pas t'empêcher de servir le Seigneur. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces conditions. Il y a pas de problème. Servez le Seigneur. Ou bien? Alléluia. Yeah. Et troisième chose. Quand vous êtes humble, comme un serviteur, vous acceptez d'être formé. Yeah. Vous acceptez d'être formé. Lorsque tu lis le livre de Proverbes, vous allez voir enseignement. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas les instructions de ton père. N'oublie pas les instructions de ta mère. Alléluia. N'oublie pas. Un serviteur, la première des choses, lorsque tu commences à être un serviteur de quelqu'un, la première des choses que la personne commence à te montrer comment le servir. Ou bien, à la maison, si quelqu'un vient à la maison pour t'aider, tu dois montrer, tu dois former cette personne à faire des choses la manière dont tu veux. Ou bien, où mettre les choses, ou comment balayer. C'est pas que je sais comment balayer, donc toi, tu peux pas me montrer comment balayer. C'est ce que les gens font. Ou bien, si tu fais ça, tu peux pas trouver de boulot. Tout boulot, quel que soit ton diplôme de doctorat, lorsque tu arrives là-bas le premier jour, on doit te montrer comment faire les choses. Vous me regardez parce que vous n'avez pas commencé à travailler. C'est pourquoi vous me regardez comme ça. Ceux qui ont travaillé vont te dire. Yeah. Le premier, quel que soit ton diplôme, même si c'est doctorat, même si c'est ingénieur, le premier jour, les premières semaines, premier mois, on doit te montrer, montrer comment on fait les choses ici, même avec ton doctorat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. C'est ça. Et lorsque vous commencez à travailler, vous allez voir, moi j'ai un diplôme, je viens du Ghana, un diplôme bilingue anglais-français, et vous commencez à parler anglais. Moi je suis venu, personne ne doit... On va te renvoyer. Vous allez dire au directeur, est-ce que vous allez une fois aller au Ghana? Vous connaissez le Ghana? Qui a été colonisé par l'Angleterre? Il va te dire, mon frère, assieds-toi. On doit te former d'abord. Alléluia. Donc, là, dans la maison du Seigneur, il y a une formation. C'est pourquoi ici, le premier jour, tu donnes ta vie à Dieu, on commence à te dire, école de quoi? Classe. Manière du nouveau croyant. On doit te montrer, on doit te former. Après ça, tu vois les 5 grands principes, on doit te former. On va te montrer comment servir Dieu. Yeah, ceux qui n'ont pas fait les classes là, ne savent pas comment servir le Seigneur. Yeah, ne savent pas. Ne savent pas. Il va voir que aujourd'hui ils viennent, demain ils ne viennent pas. Chantent à la chorale, ils ne veulent pas chanter. Bêta dîme, ils ne veulent pas. Yeah, c'est parce que tu n'es pas prêt pour être instruit, pour être enseigné comment servir Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et si tu veux être berger, tu veux être leader dans l'église, on t'enseigne, on te montre, on te forme comment être serviteur de Dieu, comment être leader. Tu veux être pasteur, on t'enseigne. Ici, on écrit les examens chaque jour. Les révérends écrivent les examens. Même les évêques, ici à Lighthouse, si vous ne savez pas. On te forme. Depuis que j'ai commencé, on a enseigné, j'ai écrit beaucoup d'examens. Beaucoup. Parfois, on te fait réécrire. On te fait réécrire. Par exemple, le livre Mega Church, j'ai écrit ça plus de 3 fois. J'ai écrit ça plus de 3 fois. Loyauté, déloyauté, j'ai écrit ça plus de 3 fois. Yeah! Yeah! On doit te former. Pourquoi tu saves comment servir le Seigneur? Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah! Sinon, tu peux pas, tu crois que les gens viennent se tenir ici pour prêcher là, c'est facile comme ça? On se lève aujourd'hui et puis on vient enseigner comme ça. Hein? La semaine passée, j'ai appris Jésus, ça m'a vraiment étonné. Hein? Ça m'a vraiment étonné, je veux pas partager. C'est comme tout le monde peut venir ici prêcher. Chaque dimanche. J'ai dit, waouh! Waouh! Waouh! C'est où dans la Bible? Okay. Alléluia. Donc, tu dois être instruit. Si tu veux être serviteur du Seigneur, on doit te former. Alléluia. Tu dois lire. Tu dois apprendre la Bible. Tu dois faire ton quiet time. Le Seigneur doit te former. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Pour nous montrer comment servir notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu n'es pas prêt pour être formé, tu ne peux pas être serviteur. Et cela veut dire que tu n'es pas tu es orgueilleux. Tu dis que moi, je connais. C'est ça. Ceux qui ne veulent pas être enseignés disent, oh, moi, je connais. Pourquoi je dois venir? Pourquoi je dois m'asseoir pour que le gars là m'enseigne? Yeah, parce que tu penses que tu connais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ecclésiastes chapitre 3, verset 13. Là, on a dit, la vie est vanité. Tout est vanité, là. Il faut lire Ecclésiastes. Vous allez voir que la vie est vanité. Tout est vanité. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi, un roi vieux et insensé qui ne sait plus être à écouter les avis. Yeah, c'est ça. Tu fais quelque chose qui est mauvais et on te dit ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu vois la raison pour laquelle on a mis un enfant et un vieux. Les enfants suivent facilement les instructions. Yeah, les enfants. Mais les vieux, oh. Surtout lorsqu'on a, on commence à avoir 14 ans, 15 ans. C'est fini. C'est fini. À la maison. Les parents ne peuvent pas plus te contrôler. Bien. Yeah. Parce que tu connais, maintenant tu sais comment lire, tu comprends les choses. Tu as un petit iPad, un téléphone, tu peux faire la recherche. Donc tu ne veux plus écouter les parents. Yeah. C'est ce que la Bible te dit. Un vieux qui ne sait plus écouter les avis. Un enfant vieux vaut mieux que toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'une des choses qui va détruire ta vie, c'est lorsque tu refuses d'écouter les instructions. Yeah. Yeah. Au Canada ici, il y a un adage ou bien un proverbe que les gens ils disent que lorsque tu es en train de faire, par exemple la brousse, tu es dans la brousse, dans la forêt, et tu es en train de faire un chemin. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Yeah, tu es en train, dans cette brousse-là, tu es en train de faire un chemin dans cette brousse. D'accord? Et tu avances. Il dit que tu ne vas pas savoir si ce que tu fais là, c'est droit ou bien c'est pas droit. Parce que tu es en train d'avancer. Tu as tourné le dos et tu es en train de faire là, tu vas comme ça. C'est quelqu'un qui est derrière qui va te dire, oh mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas droit. C'est courbé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la vie est. Lorsque tu es en train d'avancer dans ta vie, la plupart des temps, tu vas te dire que ce que tu es en train de faire, c'est bien. C'est quelqu'un qui va dire, oh mon frère, ce que tu es en train de faire, fais attention. Yeah. Yeah. C'est pas dans la Bible, mais c'est vrai. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois, tu as besoin d'instruction. Tu as besoin d'instruction. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire que non, c'est bien. Oh oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Oh, va ici, fais ça comme ça. et on a la Bible, on a le Saint-Esprit, on a des gens qui ont déjà avancé, hein, qui nous ont déjà devancés, qui connaissent, qui ont déjà passé par ce chemin pour nous instruire, pour nous enseigner. Yeah. Et si on ne veut pas, on peut pas être serviteur parce qu'on n'est pas humble. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas prêt pour être instruit, point d'interrogation. Point d'interrogation. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Je finis bientôt. Wow. Ok, dans 2 minutes, on part. Alléluia. Quand vous êtes humble comme un serviteur, nous sommes en train de parler de ce que signifie être quoi? Ce que signifie être humble comme un serviteur. Ok? Quand vous êtes humble comme un serviteur, vous honorez les maîtres que Dieu a placés au-dessus de vous. Yeah. Vous honorez tout le monde qui est placé au-dessus de vous. Alléluia. Et puis, il les a cités ici. La Bible nous recommande d'honorer les pères, les mères, les pasteurs, les enseignants et les maîtres. Honorez ces personnes. Honorez ces personnes. Honorez ces personnes. Ta mère, va honorer ta mère. Va honorer ton père. Alléluia. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse de longue vie, de prospérité, de longévité. Yeah. Premier commandement avec une promesse. Ceux qui ne n'ont pas les parents. Yeah. Ah, c'est un danger de ne pas honorer ton papa et ta maman. C'est dangereux. Tu risques de mourir bientôt. Va lire Éphésiens. C'est pas moi qui dis. Va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Va lire là-bas. Yeah. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Oh. Yeah. Donc si tu déshonores ton papa ou bien ta maman, va demander pardon. Et à partir d'aujourd'hui, commence à honorer ses papas. Yeah. Tu risques de mourir bientôt. Yeah. Parce que lorsque tu honores, il te donne une longue vie. L'opposé, c'est quoi? Ah. L'opposé. Alléluia. Et de la prospérité, dit la joie. Yeah, tu as la joie lorsque tu honores ton papa. Alléluia. C'est pas l'argent qui va te donner la joie. C'est pas l'argent. C'est Dieu qui va te donner la joie. Alléluia. Il dit Malachie chapitre 1 verset 6. Le fils honore, un fils honore son père et un serviteur son maître. Yeah. Donc maintenant, si tu es serviteur de Dieu, tu vas honorer Dieu, tu vas honorer les pasteurs, yeah, les hommes de Dieu. Yeah. Aujourd'hui, si tu as parlé mal des pasteurs, va demander pardon. Yeah. Yeah. Yeah. Va demander pardon à Dieu. Tu risques d'être maudit. Est-ce que c'est toi qui as appelé le pasteur? Est-ce que c'est toi qui as appelé le pasteur? Yeah. C'est pas toi. Laisse Dieu, s'occuper de ce pasteur. C'est pas toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, j'ai un serviteur à la maison qui me sert. Alléluia. D'accord? Me sert d'une manière. Et puis toi, tu viens. Tu vois le serviteur me servir d'une manière que toi, tu n'as pas aimé. Et donc, maintenant, tu commences à insulter mon serviteur. Hey, est-ce que c'est toi qui a amené la personne là-bas? Même si tu as quelque chose à dire, tu as d'abord venu me dire que, mon frère, la manière dont ce gars-là est en train de faire là, je pense que, yeah. Donc, si tu as quelque chose à dire, plutôt dis à Dieu, c'est pas commencer à insulter cette personne qui est à la maison. Ou bien, yeah. Et donc, c'est la manière dont nous agissons parfois. Lorsqu'on voit les pasteurs, on est en train de les... C'est pas nous qui les ont appelés, qui les ont nommés pasteurs. Alléluia. Et Dieu sera contre toi. Alléluia. Dieu sera contre toi. Et donc, honorons ces personnes, les mêmes, nos enseignants, les professeurs. Alléluia. Les professeurs, il faut les honorer. Vous me regardez. La façon dont vous me regardez là. Alléluia. Mais si tu voulons être des serviteurs, on doit commencer à honorer les personnes que Dieu a placées sur nos vies. Yeah. Les papas, les mamans, les pasteurs, les enseignants. Ces personnes, ton boss, ou bien la personne qui est ton boss au boulot, commence à honorer ces personnes. Alléluia. Pas mal parler de ces personnes, parce que la Bible dit que Dieu a placé, c'est Dieu qui place les autorités sur nous. Yeah, même les présidents, c'est Dieu qui a mis la personne là-bas. C'est Dieu qui a permis que cette personne soit là-bas. Yeah. C'est étonnant, mais c'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah, c'est étonnant, mais c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous s'il vous plaît, on a fini. On n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette année, j'ai décidé par la grâce de Dieu que je ne veux pas prendre le temps des anglophones. Parce que normalement, on doit finir à 9h. Alléluia. Amen. Donc, lève les mains et remercie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin. Et prie que le Seigneur te donne un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité. Et prie que le Seigneur, dis que Seigneur, alors que j'ai décidé de te servir, donne-moi l'humilité. Aide-moi à être humble, à être serviteur, à commencer à faire des petites tâches, des tâches subalternes. Seigneur, à être formé. Je veux être formé. Je veux qu'on m'enseigne, on m'instruit, me donne des instructions. Je veux suivre les instructions, Seigneur. Je veux pas désobéir. Je ne connais pas beaucoup de choses. J'ai besoin des enseignants. J'ai besoin des pasteurs pour m'instruire, pour me donner des instructions qui vont m'aider au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour 1 minute, 2 minutes, Seigneur, donne-nous ce cœur pour nous enseigner, pour qui nous permettra à être enseigné, à être éduqué, à être formé au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Donne-nous un cœur qui honore les personnes qui sont au-dessus de nous. Les personnes que toi, Dieu, toi-même, tu as placées au-dessus de nous. Oh, certains d'entre nous, nous sommes mariés. Nous sommes des femmes mariées. On doit honorer nos maris. On doit honorer nos maris. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Pour ce cœur que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de s'asseoir, je veux prier une prière pour certaines personnes qui sont ici. Tu n'as pas pris une décision. On a prié cette prière au commencement, au début du culte, mais je veux prier encore. Alléluia. Si tu es là, tu n'as pas pris une décision de donner ta vie à Dieu. Tu n'as pas pris une décision pour le salut. Ce matin, je te donne cette opportunité. La Bible dit que à moins que tu reçois le Seigneur comme ton serviteur, à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est la vie. C'est la vie et la mort. C'est le ciel et l'enfer. Et ce matin, Dieu donne l'opportunité de choisir le ciel. De choisir Dieu. Parce que un jour, tout sera vanité. Et c'est deux endroits là qu'on aura à aller. Mais si tu n'as pas le salut, tu vas aller dans l'enfer. Et ce matin, tu peux changer cette destinée. Tu peux changer l'endroit. Tu peux changer l'enfer. Et décider que Seigneur, je veux venir vers toi. Je veux aller au ciel. Et si tu es là, les yeux fermés, fermez tous vos yeux. Si tu es là, est-ce que tu veux lever la main? Si tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main. Merci, mon frère, merci. Merci. Toi, si tu veux lever la main, lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Est-ce que tu peux venir, mon frère? Viens. Viens, on va prier. Mon frère, viens. Viens. C'est toi. Oui, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Fais face à moi. Alléluia, on va prier cette prière. Alléluia, répète après moi. Et tout le monde les yeux fermés. Dis Seigneur, je te remercie pour ce matin. Merci pour ma vie. Seigneur, je crois que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Et ce matin, je prends cette décision pour donner ma vie à toi. J'ouvre mon cœur et j'invite Jésus de venir rester. Demeurer le reste de ma vie dans mon cœur. Seigneur, merci. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir tout le reste de ma vie. Seigneur, merci. Amen.